Qu'on soit en couple à 2, 3 ou 15, en couple libre ou monogame, ce qui va suivre est valable pour tous les cas de figure. Dans cet épisode, on va parler des fondements d'un couple qui fonctionne, trouver son équilibre entre les complémentarités et les ressemblances des partenaires, jusqu'où est-ce qu'on doit faire des concessions pour le profit du couple, et enfin les différents langages de l'amour qui sont importants à connaître. Je vais parler ici des jeunes couples, je n'ai pas la prétention ni l'expérience pour parler des couples mariés depuis 30 ans. Être en couple, c'est l'occasion de mettre en place plein de choses cool, comme avoir toujours quelqu'un à qui penser et à qui parler, avoir un SMS de bonjour le matin et bonne nuit le soir. C'est quelqu'un avec qui passer du temps et tout partager, ou presque. Et c'est être les confidents mutuels de l'un et de l'autre. Pour gagner ce jeu, il faut une jolie boîte, une jolie copine. Le reste, on s'en fout. Petit aparté pour rappeler que le couple ne doit pas être soumis à l'injonction de durer le plus possible toute sa vie. On peut très bien avoir une histoire d'amour à deadline, à cause de contraintes de lieu par exemple. Il est bon de rester ensemble tant qu'on se rend heureux mutuellement, et non pas parce qu'un couple ça doit durer. Ça deviendrait même une relation toxique pour les deux si on se force à rester ensemble. Et l'amour, ça ne dure pas 3 ans. Ça ne dure pas 1 heure, ça ne dure pas 1 mois, 3 secondes, parce que pour durer, faudrait qu'il existe. La première chose à faire dans un couple, c'est le contrat de fidélité. Il faut définir les limites du couple, si la relation est exclusive ou non. Il faut en parler parce que c'est pas une évidence. Et ça peut du coup mener à des choses qui n'étaient pas prévues. Moi en fait, je préfère te le dire, je t'ai pas trompé, mais j'ai couché avec une nana pendant les vacances, mais c'était juste pour essayer quoi. Ouais. Pour les fondements d'un couple qui marche, je dirais qu'il faut d'abord avoir un bon feeling. J'ai l'impression qu'on avait un bon feeling. Reste tranquille, c'est la morphine qui fait ça. Ouais. Une bonne communication, dès que quelque chose dérange, en parler et ne pas attendre que ça explose. Mais en même temps, attendre que les deux soient calmes pour parler, pour ne pas dire des choses qu'on va regretter plus tard. Je déteste les animaux préhistoriques par tous ordres de droite, bordel. C'est de la merde mélangée comme ça partout, c'est politique. C'est mieux de faire les choses dans l'ordre. Va te faire branler. Avoir une bonne complicité, être son amant mais aussi son meilleur pote, savoir rigoler ensemble, avoir une excellente confiance en l'autre, pour le sexe bien sûr, avoir une alchimie mutuelle et être sur la même longueur d'onde. Moi aussi j'ai une confidence à vous faire. Ne le prenez pas mal, mais moi aussi j'ai baisé ma femme. Oh mon Dieu. Dans un couple, avoir une relation d'équité, par exemple, ils vont se voir chez l'un autant que chez l'autre, ou bien ne pas mettre en place le cliché de l'homme galant qui doit tout payer à sa copine parce qu'on lui a appris à faire ça. Mon oncle, quand une femme vous emprunte de l'argent, on ne doit jamais lui demander pourquoi. Connaître les amis, la famille et l'environnement de vie du partenaire. Et enfin, partager des moments ensemble, des soirées, ciné, concerts, sorties. Ça y est, je suis sortie avec lui. 4 fois au cinéma, 1 fois sur sa mob et 2 fois dans la rue. Mais peut-être aussi laisser des moments à l'autre juste avec ses amis et lui laisser un jardin privé, surtout quand on habite ensemble. Ensuite, il faut trouver un équilibre entre les complémentarités et les ressemblances des deux partenaires. Pour les complémentarités, c'est se compléter de ses forces et ses faiblesses et pouvoir apprendre des choses à l'autre. Et de l'autre côté, c'est se ressembler. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est important d'avoir des centres d'intérêt communs, avoir un bagage d'éducation à peu près similaire, avoir des valeurs communes, avoir des objectifs communs et avoir une vision du monde similaire. Mais dans la vie, on change et on évolue énormément et c'est normal. On va passer par des phases, on n'évolue pas de la même manière que l'autre, on n'a sûrement pas les mêmes déclics en même temps. On apprend constamment à connaître l'autre. Si on se ressemble trop, on n'a plus rien à apprendre à l'autre. Si on est trop différent, ça peut être difficile. Un exemple de contradiction au sein du couple, elle a pour valeur la liberté d'expression, de penser et la liberté de mouvement. Il a pour valeur l'asservissement à une communauté pour le bien des autres. Les deux personnes du couple évoluent et grandissent. Il travaille et vit désormais à plein temps dans une caserne de gendarmerie à l'autre bout du monde, toujours en déplacement, puisque Gendarme Mobile exige de suivre l'équipe sans contestation, sans donner son avis et abandonner une vie de famille. Elle a le choix de le suivre, faire femme au foyer toute sa vie et faire une croix sur ses valeurs morales de liberté d'expression, ou bien de rester dans son pays, ne plus le voir et ou mettre fin au couple. Quand les valeurs de vie divergent, on a le choix entre faire des concessions et des compromis au profit du couple, ou bien de rester fidèle à ses valeurs et l'intégrité de sa personnalité. Du coup, on peut se demander jusqu'où est-ce qu'on doit faire des concessions. Il existe un schéma où le premier cercle vient représenter la première personne, un second cercle à côté vient représenter la seconde personne, et un troisième cercle vient chevaucher les deux premiers pour représenter le couple. Sauf qu'il n'existe plus qu'une demi-lune de chaque personne à faire des sacrifices. On se retrouve chacun tronqué, plus dans notre entièreté. On ne devrait pas avoir à faire des sacrifices, c'est une sorte de don à l'autre mal placé. Pour finir, on va parler des 5 langages de l'amour. On peut donner et recevoir de l'amour de 5 manières différentes. C'est Gary Chapman qui a introduit cette notion dans son best-seller « Les 5 langages de l'amour ». C'est important de connaître le langage de l'autre pour montrer son affection d'une manière que la personne en face comprend. Donc les 5 sortes de langage sont le toucher physique. Une personne dont cette langue est la principale est sans surprise très sensible aux câlins, aux mains sur les épaules ou dans le dos, des mains tenues et des caresses. Le contact physique favorise un sentiment de sécurité et d'appartenance dans n'importe quelle relation. Le second langage, c'est les moments de qualité. Peu importe l'activité, l'important est de partager du temps ensemble, pouvoir discuter et rire, et être juste avec la personne qu'on aime. Le troisième langage, c'est les services rendus. Faire à manger pour l'autre, faire une tâche ménagère pour aider l'autre, faire la vaisselle. Le quatrième langage, c'est les paroles valorisantes, les encouragements, les compliments, les mots gentils. Et le dernier langage, ce sont les cadeaux. Si ça vous intéresse et que vous voulez connaître vos langages et celui de votre partenaire, il existe un autotest. Je mettrai le lien du site dans les notes du podcast. C'est la fin de ce podcast, merci de l'avoir écouté en entier. Et si vous voulez m'aider à grandir, vous pouvez vous abonner, laisser des commentaires et 5 étoiles sur iTunes.